La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Quand on rencontre des difficultés, alors qu'on s'était promis une vie sans histoire. Je pense que beaucoup de personnes ont du mal à faire des choix dans certaines circonstances ou certains moments de la vie, où leurs émotions, leurs doutes et autres facteurs viennent les déstabiliser. Ils se demandent alors que faire. On a toujours besoin d'un Dieu petit qui en soit rapide. Rien ne sert de courir. Comment gérer tout ça? Pas à l'intention de faire pour le mieux. Que va faire les enfants? La réussite connaît pas. Plus de réflexion et tu sur la mal à qui? Qui connaît vraiment les bonnes directions? Tu regardes chaque endroit. Salut les valeurs sont universelles et ressenties par tous. Aujourd'hui, demain. Traverse le temps. Tous les proverbes témoignent que nos anciens l'ont vécu sûrement. Tous les proverbes montrent la marche à suivre tout simplement. Par orgueil pour toujours sa bête. Qui aime bien châtie bien, pas un cœur de glace. Celui qui sème le vent récolte la tempête. C'est pas au vieux singe qu'on apprend la grimace. Sans casser les œufs, on ne fait pas d'omelette. Chaque chose en son temps, et chacun à sa place. Vêtu comme une mule, n'en faire que sa tête. Choisir au hasard, tuer à pile ou face. Les grandes douleurs sont toujours les muettes. Tant mal à couche à l'eau qu'à la fin se casse. Tous les proverbes, ensemble le monde qui traverse le temps. Tous les proverbes, c'est vrai que nos anciens l'ont vécu sûrement. Tous les proverbes montrent la marche aussi. Je pense qu'il est bon de prendre en compte ce que nos parents ont retenu de leur passé, même si les époques et les mœurs changent, car les sentiments et les émotions, étant intemporels, restent les mêmes. Nous avons donc simplement dit. L'angoisse et la peur, n'évite pas le danger. Faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Un péché avoué, à demi pardonné. Prudence et méfiance, son erreur de sûreté. Aux belles apparences, il ne faut pas se fier. Traverse le temps. Tous les proverbes, c'est vrai que nos anciens l'ont vécu sûrement. Tous les proverbes montrent la marche à suivre tout simplement. À l'aube d'une époque cherche à se ressembler pour ne pas être exclu de cette société, il y a un proverbe que j'aime et que je trouve approprié pour contredire ces modes ou tendances. C'est la différence de chacun qui fait que tout le monde est unique. C'est cette même différence qui nous enrichit dans l'âme et nous donne toutes les vertus dont nous avons tellement besoin, car chaque homme n'est-il pas égal à son prochain? Mais nous avons la fâcheuse tendance à l'oublier trop souvent. C'est la différence de chacun qui fait que tout le monde est unique.